ma vie je l'aime. Et voilà que chaque semaine je me languis le week-end, car je laisse tomber ma haine sans te parler de mes peines. Je squatte sur MSN, moi avec mes potes je traîne. Chaque vendredi le loto avec mes potos dehors. Quand on traîne entre poteaux, histoire de rafler de l'or. On fait gaffe d'avoir la classe, en se fringant j'ai foutu le cœur. Ensemble toujours dans la place, entre boîtes et c'est le cœur. Toujours stylé dans la poche, le change vite sinon ça me saoule. Puis dès que le nouvel approche, me prends le dernier Samsung. J'aime trop la joie de ma vie quand je me traîne mal dans ma ville. Car tous les grands et petits se connaissent comme leur nombril. L'autre jour je croise un gars, je le connaissais même pas. Il me dit viens voir par là, on va pour un coup chez moi. Il joue au foot, je suis rappeur, il fait des drips, je fais des rimes. Mais oui, en outre ça fait peur car je te parle de ma joie de vivre. Ma vie c'est comme ça, j'apprécie, voilà. Jamais chez soi, c'est comme un bon son de rap dans une solo tous les soirs. Et puis à chaque fois qu'on sort, bien sûr on veut se faire mater. Qu'on soit dans, qu'on soit dehors, on cherche à être bien zappé. Nous on aime bien zapéter en costard ou en DN. Ou si on aime bien rouler, corbillard ou en BM. Puis dans la vie on a qu'un rêve, celui d'avoir la plus belle fille. Que notre vie soit moins brève, d'être le premier de la file. Dans ma vie j'aime aussi vivre pour voir ce beau paysage. J'aime aussi délirer Yves pour quitter ce pays sale. Ouais quand je suis avec l'équipe, on aime bien se mettre le compte. Ma vie est trop fantastique, c'est pour ça que je la raconte. Je te cache pas qu'il y a des rires, mais beaucoup d'emboucanage. Si tu veux être un délire, je te conseille d'être un carnage. Enfin voilà c'est ma vie, en un mot c'est fabuleux. C'est comme ça depuis petit, pour ça je remercie Dieu. Ma vie c'est comme ça, j'apprécie, voilà. Tu la lèveras pas. J'ai vécu jusqu'à maintenant, qui n'ont pas le même quota. Je vous parle à l'instant présent. J'avoue que les journées sont belles, surtout quand il fait beau temps. Et puis dès qu'il y a le soleil, on s'amuse encore longtemps. Comme pour les vacances d'été, quand on va tard à la plage. Toujours présent, tu le sais, avec mon son dans la place. Pour les gens qui font que se plaindre, à dire que la vie est pourrie. Arrêtez un peu de gêner et commencez à sourire. C'est Gino qui exprime ici sa joie de vivre. Je te fais parler mes rimes pour décrocher le titre. Je n'arrête pas de gratter pour te dire que la vie est bien. Et si je devais le rapper, je le ferais à la bien. La vie elle est parfaite, je ne sais pas la décrire. Pensez qu'à faire la fête, oubliez vos soupirs. Pour mettre un plus à ma vie, j'espère qu'elle croira en moi. Et je m'adresse à cette fille qui s'appelle Amanda. Voilà c'était Tino, c'était la joie de vivre. Juste besoin d'un micro pour que tout le monde applaudisse. Ma vie c'est comme ça, je l'apprécie, voilà.